mer du Sud, Marie-Lise. Elle a l'habitude qu'on lui dise jolie, jolie, jolie folle. Tout le sang qu'elle a dans le cœur, ça lui montre qu'on joue de chaleur. Jolie, jolie, jolie, jolie folle. Ce qu'elle aime, c'est qu'on l'aime toujours. Jamais non.